Bonjour à tous, chers amis, et bienvenue à FrenchPod. Je m'appelle Amaury. Et moi, je m'appelle Jean-Patrick. Salut. Salut Jean-Patrick. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle leçon de niveau... Upper Intermediate. Je préfère quand c'est toi qui le dis. At the dentist. Voilà, attention, aujourd'hui, nous allons chez le dentiste. Ok. Ah, ça te fait pas peur, toi, ça, JP? Non, j'en ai pas peur. Tu as peur? Je ne suis pas le seul, je connais beaucoup de gens, quand on parle du dentiste, on commence à frissonner, c'est pas l'endroit où on a envie d'aller passer ses vacances. Oui, mais moi j'ai les dents parfaites. Waouh, bien. Impressionnant, ce n'est pas mon cas. Ok. J'y suis allé souvent chez le dentiste, et dans le fond c'est vrai que c'est bon, ils sont là pour te faire du bien. Oui. Mais il y en a certains qui ne sont pas toujours très doux. Ok, ouais, il faut quand même se brosser les dents, Amaury. Ah oui, non, ouais. J'ai l'impression que j'entends le dentiste là. Ok, donc on va se plonger dans le dialogue. Il faut quand même avertir que là, on se retrouve directement dans le cabinet du dentiste avec la personne qui est déjà installée sur le siège et qui tente d'expliquer ce qui ne va pas. Ok. On écoute le dialogue ? Ben, il n'y a pas de mot-clé. Ah, j'allais oublier le mot-clé. Ok. Donc, le mot-clé ici est plombage. Plombage. Oui. Ok, sounds like plumbing. Mais plombage, cela veut dire the filling. Exactement. Ok. Bon, maintenant, c'est la bonne. On écoute le dialogue. Ok. Je crois que j'ai une carie, mais... Oui, je vois sur vos dernières radios qu'elle était déjà présente il y a 3 mois, mais en état bénin. Mais... Je suis sûre que nous avons affaire à une véritable infection dentaire maintenant, sans parler du nerf qui doit être touché. À vrai dire... On va commencer par une anesthésie locale. Et maintenant, je vous mets un support pour garder la bouche bien grande ouverte. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir. On va nettoyer la dent. Maintenant, retirez l'ancien plombage. Arrêtez de gigoter, cela ne peut pas être douloureux. Bon, là, ou je dévitalise la dent et je remets un nouveau plombage, ou on met une couronne. Un peu cher, certes, mais plus esthétique et définitif. Deux fois, La deuxième option ? Ok, on met une couronne à la place. C'est parti. Et voilà le travail, c'est magnifique. Je vous retire le support, vous pouvez vous rincer la bouche. Mais enfin, j'étais venu pour un blanchissement et un détartrage. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Le pauvre patient, ça ne s'est pas déroulé comme il le souhaitait. Ah. Excuse me. Pardon. On lui a carrément changé une dent. Oui, c'était pas ce qu'il voulait faire. Pas du tout, non. C'est ce qu'il a dit au départ, puisqu'il dit quand même « Je crois que j'ai une carie. » A cavity, une carie. Voilà. Mais attention, il dit bien « mais ». Mais, quelque chose, mais ta-ta-ta. Voilà. Et là, le dentiste l'interrompt. Directement, il va chercher dans les dernières radios... The x-rays. Que la carie était déjà là, mais à un état... bénin. Ok. Literally, in a benign state. Mais en anglais, on dit, but it was mild. Donc ça veut bien dire que ce n'était pas encore trop grave à ce moment-là. Mm-hmm. Et là, il répète, il dit, mais... Il y a quelque chose qu'il veut dire. Oui. Mais le dentiste ne le laisse pas parler. Il est déjà dans ses radios et dans son diagnostic. Il dit, je suis sûr que nous avons affaire à une véritable infection dentaire maintenant. Uh-oh. Sans parler du nerf qui doit être touché. Oh, le nerf. Attention, parce qu'une fois que le nerf est atteint, c'est là que ça fait mal. Ok. Et ici, on a cette expression, le nerf qui doit être touché. Ok, oui. So the nerve might be under attack. Oui. Ok. Touché par la carie, je ne sais pas exactement ce qui... Ce sont des petites bêtes ou... Des petites bêtes. Quelque chose qui ne doit pas être là. Alors, il essaye encore une fois de placer un mot, de dire quelque chose. À vrai dire. Voilà. Il aurait pu dire aussi à ce moment-là, en fait, et alors le dentiste ne le laisse pas parler. On va commencer par une anesthésie locale. Ce mot qui est vraiment similaire à celui de l'anglais, mais en français, c'est bien une anesthésie. Ok, anesthésie. Oui, on peut avoir une anesthésie générale ou bien locale, évidemment. Donc, le dentiste a commencé, il est en plein travail, il met... un support à son patient, pour que celui-ci garde la bouche bien grande ouverte. Ok. Pour la traduction, j'ai fait des recherches pour le mot « un support pour la bouche ». Ça, c'est « a retractor », »,« a lip retractor ». Ouais, c'est ça. Voilà. C'est bien difficile, calé, avec la bouche comme ça. Hein? Je crois que tu as tout à fait compris. Oh, oui. tu as fait de bonnes recherches. Ok. Alors, le dentiste rassure quand même son patient. Il dit « ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir. » Il dit « on va nettoyer la dent. » Voilà. L'autre, malheureusement, ne peut plus parler. Mm-hmm. Et ce qu'il va faire après avoir nettoyé la dent, mm-hmm. c'est retirer l'ancien plombage. Ah, mot-clé. Donc le fameux filling. Mm-hmm. Alors le patient, comme il ne peut plus parler, comme tu l'as très bien fait, il en est réduit à cet ouais. état-là, il essaye de bouger, ouais. de gigoter. Et le dentiste lui dit « arrêtez de gigoter !» Parce qu'il ne peut pas avoir mal, mais il n'a pas mal. Mmh. C'est pas ça. Il veut dire quelque chose. Ouais. Donc on a ce mot gigoter. Okay. C'est bouger de manière très vive, tu vois. Oui, oui, oui. Ouais. Quand on est stressé un peu. Ouais, ouais. Ça ne change rien. Il continue et il va devoir maintenant dévitaliser la molaire du patient. Ok, dévitaliser. So this is kind of to numb it forever. Right, this is to take out the nerve. Oui. Okay, in English a dentist might say we have to devitalize the molar, but it's not a common thing that we hear. Okay. Yeah, because it sounds scary. J'ai peur. Mais il ne faut pas avoir peur, JP. Il propose okay. deux solutions. Okay. Ou bien il va remettre un nouveau plombage. Okay. Ou bien il va mettre une couronne. Okay, une couronne. So this is a crown. Ouais. A cap. Et comme il dit, une couronne, c'est plus cher. Mm-hmm. Il dit certes, bien okay. sûr. Yeah. Mais c'est plus esthétique. Esthétique, so it's better to look at, right? Exactement, more ouais. pleasing. Et définitif. All right, permanent. Donc, notre pauvre patient continue à se débattre. Et le dentiste croit, comme il dit deux fois qu'il choisit la deuxième option. Oh non. Et qu'il veut une couronne à la place. Oh non. Bon, mais c'est parti. Ouais, il est il content. Commence. Voilà, c'est parti. Here we go. Il commence avec la couronne. Exactement. Mm-hmm. Et donc, voilà, on l'entend, il travaille, tout le bruit, il emploie la fraise, tous ces instruments qu'on trouve chez le dentiste. Mm-hmm. Et il dit, et voilà le travail, il est heureux. C'est magnifique. Il peut maintenant retirer le support qu'il avait placé au départ mm-hmm. et le patient va pouvoir se rincer la bouche. Ok, ok, rinsing, he can rinse out his mouth now. Oui. Oh, thank goodness. Et enfin, enfin, il peut parler, enfin, okay. il essaye parce qu'il a quand même la dent, il a mal. Et on l'entend péniblement dire, j'étais simplement venu pour un blanchissement et un détartrage. Oh non. Ok, blanchissement, this is a whitening, nobody oui. see the word blanc in it, so blanchissement, et un détartrage, c'est pour enlever le tartre. Tout à fait, on a le mot tartre dedans, mm-hmm. qui se colle sur les dents, là. Mm-hmm. Et on a le préfixe « dé », qui veut bien dire « enlever » en français, donc « détartrage mm-hmm. ». On a aussi le verbe « détartrer okay. » pour enlever le tartre. Oui, alors tout ce qu'il voulait, c'était tout simple. Mais oui, mais oui. Mais il aurait dû le dire au début. Il aurait dû dire au début. Oui, au lieu de commencer et dire « je crois que j'ai une carie, mais... » Mais... Voilà. Mais je ne suis pas venu pour ça. Je veux ouais. simplement un blanchissement et un détartrage. Ah là là, JP. Un bon conseil qu'on donne aux auditeurs ici. Ouais. Allez, on réécoute le dialogue. C'est parti. Je crois que j'ai une carie, mais... Oui, je vois sur vos dernières radios qu'elle était déjà présente il y a 3 mois, mais en état bénin. Mais... Je suis sûre que nous avons affaire à une véritable infection dentaire maintenant, sans parler du nerf qui doit être touché. À vrai dire... On va commencer par une anesthésie locale. Et maintenant, je vous mets un support pour garder la bouche bien grande ouverte. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas souffrir. On va nettoyer la dent. Maintenant, retirez l'ancien plombage... Arrêtez de gigoter, cela ne peut pas être douloureux. Bon, là, ou je dévitalise la dent et je remets un nouveau plombage, ou on met une couronne. Un peu cher, certes, mais plus esthétique et définitif. Deux fois, La deuxième option ? Ok, on met une couronne à la place. C'est parti. Et voilà le travail, c'est magnifique. Je vous retire le support, vous pouvez vous rincer la bouche. Mais enfin, j'étais venu pour un blanchissement et un détartrage. Ah, les expériences chez le dentiste. Voilà, raconte-nous une expérience. Moi, j'ai que des bonnes expériences chez les dentistes. C'est ce que je crois comprendre, puisque quand on en a parlé en début de leçon, mm-hmm. avait l'air assez calme, content. Et toi, tu avais peur. Mais je dois dire que le premier dentiste que j'ai eu, franchement, dans ma vie, j'en ai que deux, hein. Il était vraiment pas bon. Aller chez le dentiste, c'était horrible. Hein? Ah non. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Ce qu'il ne m'a pas fait. Parce que moi, j'avais des dents qui étaient mal placées. Ok, they were not straight, they were not in place, right? Oui. Ok. Et il n'a jamais voulu me mettre un appareil dentaire. Ok. Il me disait, non, ça va, c'est pas grave, tout va bien se passer. Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais rien. Oh non. Rien du tout. Oh non. Et maintenant, j'ai des problèmes avec les dents qui partent un peu partout. Oh. Mais bon, après, j'ai rencontré un autre dentiste. C'était une dentiste, en fait, très jolie en plus, okay. qui était vraiment formidable. Okay. Malheureusement, c'était trop tard parce que, tu vois, mettre un appareil dentaire, il faut le faire quand on est adolescent. Oui, tout à fait. Bon, ça, pour ça, elle ne pouvait rien faire, mais elle m'a très bien soigné les dents. Okay. Tellement bien, le GP. Elle était tellement attentionnée, gentille, elle faisait bien son travail, ouais. qu'un jour, je me suis endormi. Waouh! Alors qu'elle me soignait une carie. Là, sur la chaise? Oui. Dans le cabinet. Waouh! J'étais tellement bien, je lui faisais pleine confiance, elle me faisait pas mal. On dirait que c'était un massage. Exactement! Ça, c'était une très bonne expérience. Maintenant, à vous, chers auditeurs, de venir nous donner et nous faire partager vos expériences. Je suis sûr que tout le monde a une expérience, bonne ou mauvaise, chez le dentiste. Donc, pas d'excuses. On attend les commentaires demain à 9h du matin. Okay. Merci à tous. Merci, JP. Merci. À la prochaine.